plan, gros sous, palette, baumette, farlette, lune, salon, smurf si ça l'ouvre, salut, salem, mon cheveu chouquet, ça salou, salou, T-Max ou autre, ça lève, ça rêve, ça brasse, ça braque, ça crique, ça pique, starlette, galette, mallette, claquette, poupette, direction Espagne, on sort la taquette, plaquette, couette, mouette, j'fais un poète, poète, moi c'est l'OM, l'OM. Trop même, mais j'ai qu'à trop de haine, trop de haine. Bateau, château, quattro, patron, d'être le moins attend, attends, te frappe sous le bâton, va-t'en, sois un bâton, barre-toi, ou garde-toi, écarte-toi, tu pars-pis, tu pars-tout, tu pars-terre, tu carbo, tu parles trop. C'est plein de jeux des salomons, une sale montre, une sale mine, lâche l'hyper instru mais salement. Ça boit, ça se met des salomines, si seulement tu parlerais moins, tu serais moins dans de sales merdes. Les souvenirs, ça remonte, selon le mood, selon l'endroit, selon les gens, selon les morceaux que j'écoute, selon le morceau que je goûte, selon le texte que je gratte comme un sale môme. Sans limite, en meute à la montagne, se fait des armes à la montagne. Trop de vécu, on a la mentale, se fait la danse à la Van Damme. Vit la nuit comme des fantômes, anti-bandeur d'hommes qui suivent les gens comme des grands cons. Le stade de France, je vais le faire pessif. Qui veut t'esquisser l'imbécile? Pas de sous, ça se fait le caissier. Quand tu fais un heureux, tu fais souvent un déçu. Le stade de France, je vais le faire pessif. Qui veut t'esquisser l'imbécile? Pas de sous, ça se fait le caissier. Quand tu fais un heureux, tu fais souvent un déçu.